retrouver sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Je suis Thierry Gallet, j'anime cette émission sur les Beatles depuis 40 ans, 41e année actuellement, puisque je l'ai démarré en 1984, c'est la 41e saison. Nous avons un album de la semaine. L'album de la semaine, c'est la... Il n'y en a pas. Il faudrait que je sois vraiment à ce que je fais. Il n'y en a pas, puisque ce sont les Fab Four en live. Avec si, je vais me rattraper aux branches un petit peu. Il y a un d'entre vous qui m'a demandé, il y a 2 ou 3 semaines, si on pouvait avoir l'album Live in Japan de George Harrison en album de la semaine. Alors, il se trouve que par chance, les Beatles ont voulu venir à Bordeaux faire un concert extraordinaire, pas prévu. Moi seul était au courant. Et il se trouve qu'ils ont décidé de mettre George Harrison en avant sur ce concert-là. Donc il y aura beaucoup de George Harrison. Vous allez reconnaître des chansons que vous connaissez. Et puis il y aura également du McCartney, il y aura du Ringo Starr, il y aura tout petit peu de John Lennon. Et puis, ils chanteront évidemment des chansons des Beatles. On est ensemble jusqu'à 22h et ça va très très bien se passer. Je vous propose de vous mettre relax. Alors attention, si vous êtes dans les bouchons, relax mais pas trop. Par contre, si vous êtes dans les bouchons, comme la musique va être bonne, si vous êtes par exemple sur la rocade bordelaise ou n'importe où ailleurs, n'hésitez pas à monter le son pour en faire profiter les autres, parce que il faut leur dire, la saga des Fab Four, c'est uniquement le mercredi sur cette station RIG 90.7, et nous en sommes à la saga des Fab Four numéro 634. Et oui, parce que ça doit faire 15 ou 16 ans, sinon 17, non, 15 ou 16, sans doute, je ne sais plus, que je suis sur RIG, donc tout va bien se passer. On va privilégier le direct vers le stade. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, le show en direct à partir de maintenant. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Et bien, comme je vous l'avais annoncé, c'est George Harrison qui démarre avec I Want to Tell You. Notez qu'il y a Eric Clapton aussi à ses côtés. We'll En direct sur RIG 90.7, direct depuis le Stade Bordelais, dans un monde parallèle dans lequel John, Paul, Ringo et George, et il se trouve Eric Clapton, on l'a entendu dans les chœurs tout à l'heure, sont ici à Bordeaux en concert, un concert qui n'a pas été prévu, qui n'a pas été affiché, et pourtant qui fait plein pot. Tout le monde, le stade est complet, c'est génial. On a commencé par I Want to Tell You et All Brown Shoes. Ce sont des chansons des Beatles interprétées là aujourd'hui sur RIG 90.7. Voici maintenant Paul McCartney qui reçoit la poursuite. La poursuite, vous savez, c'est le projecteur qui se met sur le chanteur principal. Paul McCartney qui va nous chanter quoi donc ? Lady Madonna, on continue avec les Beatles sur RG. Lady Madonna, children at your feet. Wonders how you manage to make ends meet. To find the money. Learn to talk. I've just seen your face, I can't forget the time or place we first met. She's just a girl for me, I want all the world to see we've met. La-da-da-da-da-da. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La-da-da-da-da-da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. Calling me back again. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. I've never known the likes of this. I've been alone, and I have missed things that kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da da da da da da. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling. Falling, yes, I'm falling, and she keeps calling me back again. All right. Sont très en forme nos Beatles aujourd'hui. John, Paul, Ringo et George, Eric Clapton aussi, puis il y a certainement d'autres invités qui vont venir se greffer ça et là. C'est la saga des Fab Four, numéro 634, et c'est en live ici à Bordeaux. Le temps qu'il fasse les présentations, là, parce que Paul a commencé à dire en français « Bonjour, bonsoir Paris », et puis on a fait « Ouh, ouh ». Il a fait « Non, non, bonsoir Bordeaux, bonsoir les copains ». J'aurais pu vous laisser le son, mais bon, je vous ai traduit. Et donc voici un truc pour vous. Il y a trois sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.com. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos quatre amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, BeatlesMagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Nous sommes revenus sur le stade. Et là, ça semble bien être Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. On reste avec les Beatles pour l'instant. We'll be right back. got crazy because they were there. Just keep me rolling, I'll do it again. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get high with a little help from my friends. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. I just want someone to love. I need somebody to love. Don't you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help. Yeah, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. I just want someone to love. Je le décris pour les auditeurs, puisque comme c'est retransmis seulement sur RIG, vous ne pouvez pas l'avoir vu. C'était trop marrant au moment du switch entre Sergeant Pepper, chanté par Paul McCartney, With a Little Help from My Friends, chanté par Ringo Starr. Il y a eu un petit ratage, on va dire, et Ringo n'était pas prêt. Et donc il a dit, ouais non c'est bon, continuez, je reprends le coup d'après. John Lennon et Paul McCartney se sont regardés, ils étaient hilars, et George Harrison... On n'a pas trop vu le sourire, mais ça allait. Bon, on continue, la saga des Fab Four. Je pense que c'est Paul qui revient. Paul McCartney. Oula, ça me semble être le medley Venus and Mars Rock Show Jet. À moins qu'il ait choisi autre chose, je ne sais pas. On suit ça sur RIG 90.7. C'est la radio des Beatles. Jusqu'à 22h. Sitting in the stand of the sports arena, waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine. good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all right tonight. Everybody. my dream, tell me yes, but you answered the feelings. The reasons you don't need are gone. Take my time. George Harrison a donné le coup d'envoi à l'après Beatles. À l'instant, c'était Cloud 9 en live au stade de Bordeaux. Et on continue, je l'entends, avec les premières notes de My Sweet Lord. Vous êtes sur RIG, c'est la saga live. I wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. Oh, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. Really wanna see you. Really wanna see you. I wanna see you, Lord. Petit rappel de ce que nous avons entendu jusqu'à présent. I Want to Tell You, All Brown Shoe, chanté par George Harrison. Il y a eu Lady Madonna, I've Just Seen a Face, par Paul McCartney. Puis il y a eu le duo McCartney Star pour Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band et With a Little Help from My Friends, dans lequel Ringo Starr a fait un faux départ. Ben, ça arrive, hein, quelquefois, même en live, et même surtout en live, puisqu'en studio, quand on fait un faux départ, on recommence et on met la piste ratée aux oubliettes, sauf pour les Beatles, on oubliait, on lâchait jamais rien, on effaçait rien. Il y a eu aussi Paul McCartney pour le superbe medley Venus and Mars, Rock Show et Jet. Et puis, à l'instant, Cloud Nine et My Sweet Lord, chantés par George Harrison. Que nous réserve la suite? On retourne sur le stade tout de suite. Instant Karma, c'est John Lennon. Instant Karma's gonna get you.

wonder if we can. No need for greed or hunger. A brotherhood and sisterhood of man. Merci, on vous rappellera. Enfin, c'était John Lennon et une très très belle chanson, il faut le reconnaître. Pour les filles avec un cœur jeune, tu as 16 ans, tu es belle et tu es à moi. Il y a 80 balais, 84, c'est quand même juste. You come on like a dream, peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16. Beautiful, and you're mine. Mine, oh mine, oh mine. You're all ribbons and curls. Ooh, what a girl. Eyes that sparkle and shine. You're 16. So beautiful, and you're mine. Mine, oh mine, oh mine. You're my baby. You're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand. I could not stop you walked out of my dream and into my arms. Now you're my angel divine. You're 16. So beautiful. And you're mine. All right. Sur RIG 90.7. Ah, il y a un petit problème de liaison, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut quand même le faire? Essayons. Oui. If I had a camera, I'd take a photograph of all. Ah, ça passe. Let's go. Ça passe. Photograph, toujours Ringo Starr sur RIG. Thought I'd make it the day you went away, but I can't make it till you come home again to stay. I can't get used to living here while my heart is broke. My tears I cry. Le Ringo Starr, c'est très très très très bien. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est le concert des Beatles dans une dimension parallèle. Ils sont à Bordeaux et tout se passe bien quand même. On a écouté plein de bonnes et belles chansons. À l'instant, You're 16, You're Beautiful and You're Mine et Photograph chanté par Ringo Starr. Getting to get back. Juste un petit mot. J'ai terminé la BD, vous savez, je vous en ai fait part qu'il sortait un bouquin sur une BD d'ailleurs sur Paul McCartney qui racontait comment ça s'était passé pour lui entre 1969 et 1973. Ça s'appelle La résurrection de James Paul McCartney. Et dedans, c'est pour ça que je vous le conseille aussi, il y a un passage de l'année 69 dans lequel on voit les quatre se chamailler un petit peu, et notamment George Harrison qui dit « J'ai plein de chansons depuis quelques années, mais vous ne voulez pas les vous en occuper, etc. » Eh bien, « Isn't it a pity ?» c'était bien la preuve que dès 1970, de 1968 au moins, pour moi au minimum, il avait la classe de John Lennon, Paul McCartney, monsieur George Harrison. Et ça, « Isn't it a pity ?» c'en est une preuve. On retourne au stade. Oh, what is life ? Surérigé toujours, George Harrison. C'est la saga des femmes fortes numéro 634 et aujourd'hui, c'est un 100% live. You. Bordelais est très sensible à George Harrison. Là, ça se voit, ça a fonctionné très très bien. Ceci dit, ce sont de très très très belles chansons. Maintenant, oh, ça c'est les premières notes de Maybe I'm Amazed. Paul McCartney au piano. all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. Learn to live, and we learn to give each other what we need to survive. Together alive, Ebony and I. Qui ne nous l'avait pas faite en concert, celle-ci, Ebony and Ivory par Paul McCartney. Et juste auparavant, il y avait l'extraordinaire Maybe I'm Amazed. Et puisqu'on parle d'extraordinaire, tout à l'heure, à partir de 22h à peu près, ce sera Eric et Johnny de A à Z avec le live lui aussi, le live normal du mois d'avril. Chaque début de mois, il nous fait un live. Ce sera un live TV de 1960 à 1973. Donc il compte sur vous, et moi aussi, je compte sur vous pour l'écouter tout à l'heure dans son show extraordinaire Johnny de A à Z. Mais là, on est encore au Stade Bordelais, et c'est Give Me Love, Give Me Peace on Earth, George Harrison qui remet un coup de micro. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Me cope with this heavy load, trying to touch, reach you with heart and soul. I love you.

ce choix de All Those Years Ago, alors que John est bien là. Mais bon, c'est comme ça. Et tiens, c'est Paul McCartney avec une chanson qu'il n'a pas chantée depuis longtemps. Looking for Changes sur RG. See you. 90.7, c'est la radio des Beatles. I need my love to be here. Dernière, mais là c'est en live puisqu'ils sont à Bordeaux dans le stade bordelais. While my guitar gently weeps, monsieur George Harrison, s'il vous plaît. And I see they need sweeping. s'arrêter là. J'espère bien qu'il va nous chanter Here Comes the Sun. George. Eric Clapton, Psycho. Je vous avais dit qu'Eric Clapton était là. Oui, Here Comes the Sun, maintenant sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 634. Et c'est un live. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since we've lived. Here comes the sun. Here comes the sun. Je veux te graver dans ma vie, oui, dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. We meet again, 'cause I had told you. souvenez de cette chanson Best Friend? La voici en live sur RG. got my mind set on you. Got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take a money, a whole lot of spending money. It's gonna take a plenty of money to do it right, child. And it's gonna take a time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. Oh yeah, to do it, to do it, to do it. Terminé tambour battant par les Beatles. Ah, là c'est la fin. Give peace a chance, everybody. Dans quelques instants, ce sera Eric et John de A à Z. Peace. vous étonner. Je trouve que ça a passé très très vite. Merci à toutes et à tous d'être restés pour écouter cette saga numéro 634, il me semble. Hein. J'ai plus le... la playlist sous les yeux. Et Eric, dans quelques instants, qui rigole parce que lui n'en est qu'à 573. Il fait ce qu'il peut. À très très bientôt. Salut.